Bonjour amis taureaux et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2023. Mais cette fois, on va se concentrer principalement sur vos amours. Alors, que va nous dire, quel va être le conseil de notre Béline pour vos amours en 2023 en avril? Alors apparemment, bon, peut-être que actuellement ou durant le mois d'avril, vous risquez de ressentir, d'avoir des difficultés dans votre relation, peut-être une dispute est possible. Bon, cela vous affecte parce que vous êtes très attaché à la personne avec qui vous êtes. Voilà, mais ça c'est juste la coupe. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous ne vous entendez pas trop avec certaines personnes alentour. Alors, au niveau, donc c'était uniquement la coupe, mais quand je retourne les cartes, heureusement elles sont meilleures. Par rapport à tout cela, si cette dispute a eu lieu ou même si elle a seulement lieu en avril, eh bien sachez que vous n'allez pas, alors d'abord je vais parler étape par étape, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Donc par rapport à des désagréments amoureux qui peuvent avoir lieu début avril, eh bien voilà, peut se dégager un sentiment de solitude affective, une certaine tristesse, une certaine déception. Heureusement, et voilà, ça c'est vraiment meilleur, ce qui rayonne sur le jeu, c'est la paix. Donc vous allez être apaisé par rapport à cela, parce que la personne qui vous a blessé, ou en tout cas une situation compliquée, va s'arranger puisque vous avez la clé de la destinée. Alors la clé de la destinée, elle indique que vous avez tous les pouvoirs en main pour arranger une situation. Donc ça veut dire aussi que vous pouvez bouger, vous pouvez réagir dans une idée, bien sûr, dans l'idée d'apaiser les choses, et cela devrait fonctionner. Donc, globalement, eh bien, il y a une réconciliation si il y a dissension, et sinon, de toute façon, eh bien, vous allez vous rapprocher de la personne aimée. Alors, bon mois d'avril!